qu'un vieux Tommy, que tu te lèves pour ton propre vomi. M'arrête plus, je passe du thé à la Red Bull. 663 Xénombule, t'es arrêté à la Red Bus. J'puise ma force dans mes proches, Algériens, Zaïrois et autres maliens. 170 kilos OTC, torse taille dans la rostine osmalien. Numéro 1 en chant, j'suis une espèce d'animal rampant. Là j'ai j'veux me boucler juste parce que j'essaie de lui faire un enfant. Faut des profilets si tu veux nous pêcher, gros. Poisson séché, mes gars sont pressés, n'ont pas les répêchés. Prêt à te dépeser pour les salaires du péché. 2-7-2-7-Z2-RO. Danger, danger, présumé, présumé, présumé, hostile. G7, recette, frérot. Et tu ignores d'où je viens. Il fallait bien que ça cesse. Tu veux faire l'ancien. Rafale sur tes dents de sagesse. Marianne ne nous aide pas. Les lance-roquettes sont venus ne m'aider pas. J'en assume la paternité. Liberté, égalité, va te faire niquer. 2-7-2-R, bras. Pour les plus grands et les plus petits. Reconnaissent que ceux qui savent. Oh, cliquetis. Bravo, CJ. Bravo, t'as géré. Yes, I. Rastafari. Bravo, bravo, Rastafari. Bravo. C'est qui le son? C'était à qui? C'est le freestyle de Caris sur Bouscapé. Caris, ah ouais, ok. Bien, franchement, très bien. Caris, c'est où? C'est Saint-Denis? Non, il vient d'où? Non, c'est Caris, il vient de Sevran. Sevran. Voilà. Et Dune, alors tu... Bonjour, monsieur, votre prénom c'est ? Bonjour, c'est Hamza. Hamza, vous êtes déjà venu ? Attendez. Oui, bienvenue. Hamza, plusieurs fois. Parce qu'on va passer. Et t'es déjà venu, il a parlé un son, là. La dernière fois, c'était quoi le son, la dernière fois ? Oui, la dernière fois, c'était le son de El Grande Toto. Ah, normalement, tu devais... t'étais pas sorti, toi ? C'était haram. Oui, je suis sorti, mais je suis revenu. T'es revenu ? Oui. T'étais dehors ? Oui, j'étais dehors. C'était dur ? C'est dur, c'est très dur. Et du coup, ça t'a pas supporté, t'es revenu ? J'ai pas supporté, je suis revenu à l'hôpital, ouais. Ok, d'accord. D'accord, d'accord. Bah... Que Dieu t'aide. Merci. Mais maintenant, j'aurais bien aimé mettre une musique Casablanca. Ça s'appelle Casablanca. C'est... Je sais pas le chanteur, mais elle est belle, la musique. C'est un chanteur de ton pays ? Non, chanteur international. Il y a un peu de paroles, mais il est... Ouais. Est-ce que je peux prendre le téléphone ? On va chercher, attends. Ouais, tu peux chercher, tu veux, CJ ? C'est quoi le son ? Casablanca. Casablanca. À Maison Blanche. Il y a un président là-bas. Il y a qui ? Donald Trump ? Donald Trump ? Il y a Donald Trump là, à la Maison Blanche. Non, le président Donald Trump. Quelqu'un le prête d'un micro ? Si non, tu peux le prêter. Ouais, t'as dit. Voilà. On fait comme ça. Non, sinon pas comme ça. Tu fais le. Tu le tournes comme ça en 180 degrés. Non, non, non, attends, j'ai. Attends. Mais ça marche pas, 180 degrés. Ah ouais, c'est bon. Attendez, il y a des façons de tenir les objets. On n'entend pas la musique. On n'entend pas la musique. Poisson, c'est bon, tu peux parler là. Ok. Ah, tu sais quoi ? Oui, il a dénoncé un son qui s'appelle Casablanca. Vous avez réagi, j'avais dit la Maison Blanche. Et toi, tu as surréagi en disant « Ah, la Maison Blanche, là-bas, il y a Donald Trump. » Voilà. Et moi, je te demande pourquoi c'est pas Casablanca, alors ? Ah non, je connais pas. Non, je connais pas. Moi non plus. Mais... Ouais, mais il fait des jeux de mots. Hein. C'est Emmanuel fait ah, c'est des jeux de mots, d'accord. Je découvre. Je découvre. Ah, je découvre. Ouais. J'ai découvert. En fait, les pirates portugais, quand ils sont arrivés sur la côte de Casablanca, ils ont remarqué qu'il y a quelque chose. Avec ma gueule. Parle, attends. Parce qu'à l'époque, quand les pirates ils voulaient envahir le Maroc, ouais. Par la côte de Casablanca, ils ont vu de loin, dans la mer, ils étaient dans leur bateau, Et de loin, ils voyaient le... des maisons blanches. Ah. Et du coup, ils l'ont appelé Casablanca. D'accord. Une maison d'accord. blanche. D'accord. Et du coup, il est resté comme ça. Ouais, je comprends. Mais ouais. Le sang, le sang. Maison blanche aussi, c'est un hôpital psychiatrique à Maison Blanche hein, aussi. Hein. Tu peux envoyer le sang aussi, Jay ? C'est un hôpital psychiatrique à Maison Blanche. Ça, ouais, mais ça, j'entends pas. C'est un hôpital psychiatrique à Paris. Ouais, c'est bon. Encore. Tu savais que c'était un hôpital psychiatrique ? Non, je savais pas. De haut-parleur à... Maison Blanche, un hôpital psychiatrique à Paris. Non, je connaissais pas. Je connais juste le centre commercial La Blanche, c'est tout. Tu as choisi entre deux trucs. Là, il y a un problème. Là. Quoi, ça ? Ah, on lève-le et mets-le à nouveau. Là, tu me plais. C'est ça, Casablanca ? Ouais, c'est ça. Tu peux la chanter, hein ? Non, c'est pas le même. C'est pas le même. C'est C'est l'idée. Oh, oh. J'y t'aime beaucoup. Elle sait. Moda. Ok. Je te veux pour le soir. Je te veux plusieurs fois. Le volcan n'est plus éteint lorsque tu es avec moi. Je te veux pour le soir. Je te veux plusieurs fois. Le volcan n'est plus éteint lorsque tu es avec moi. Laisse parler les corps. Laisse parler les corps, laisse parler les corps, laisse parler des corps en douceur et assez fort. Laisse parler les corps, ok, ok, hein? Olé, olé les degrés, olé, olé les degrés, olé, olé les degrés, olé, olé les degrés, olé, olé poum poum, olé, olé poum poum, olé, olé poum poum, poum poum, yeah, yeah, yeah, yeah. Je n'aime pas trop parler, je préfère le PS, la pratique à l'aise avec la maîtresse. Je... Faut pas changer, gringo. Faut pas changer. Putain. Dire sans redire, dire sans redire, that's why. Je te veux pour le soir, je te veux plusieurs fois. Le volcan n'est plus éteint lorsque tu es avec moi. Je te veux pour le soir, je te veux plusieurs fois. Le volcan n'est pas éteint lorsque tu es avec moi. Avec moi. Yes, yes. Attends, attends. Rosa, aïe aïe aïe, périglosa. Rosa, aïe aïe aïe, périglosa. Rosa, aïe aïe aïe, périglosa. Rosa, aïe aïe aïe, périglosa. Périglosa. Périglosa. Yeah. Périglosa. Rosa. Rosa. Sentiment et hasard. Sentiment et hasard. Mon fort intérieur n'est pas un bazar. Sentiment et hasard. Sentiment et hasard, mon fort intérieur n'est pas du tout un hasard. Je te veux pour le soir, je te veux plusieurs fois. Le volcan n'est plus éteint lorsque je suis avec toi. Je te veux pour le soir, je te veux plus d'une fois. Le volcan n'est plus éteint lorsque je suis avec toi. Saudade. Ouais, bravo. Black Ace à la voix. Génial, comment tu improvises. Et toi, tu avais créé une chanson qui s'appelle « À la rose » un jour. Tu veux la rose on a ah, commandé. Ça, c'était un poème. Ouais, un poème qu'on a... Tu sais qu'on a fait, Christina, on est sorti offrir de roses aux gens. C'était avec la case. Boum, boum. Voilà, et maintenant, il y a Ringo qui se prépare. Mais tu voulais finir une phrase que tu disais... ton prénom, j'ai oublié, pardon. Non, mon prénom, Hamza. Hamza. Mon prénom, c'est Hamza Moukrim. Hamza, voilà. Tu voulais nous parler de quelque chose, sinon, avant que passe à Ringo, tu voulais aborder un sujet. Frérot, j'attends depuis tout à l'heure. Oui, mais juste deux minutes qu'il peut parler. Bon, comme je suis en galère, je fais un appel s'il y a quelqu'un qui a un logement disponible, qui peut m'aider ou qui peut appeler quelqu'un pour m'aider, ça peut m'aider énormément. Ok, voilà. C'est passé à la radio. Donc, si quelqu'un a un logement pour Hamza. Non, mais tu peux pas dormir. Si, tu dors ici à la clinique, non tu dors Non, je dors juste provisoirement le temps que quelqu'un il sort de l'hôpital. Ok, bon, tu vas trouver. Oui, je peux trouver. Ouais. Au moins, le message est passé. Bon, Ringo, c'est à toi. Attends deux minutes. Attends que Ringo se met Je vais mettre la Christina, musique. Tu voulais parler. Je vais mettre la musique de mon oncle. Je cherche. S'il y a un loge, qu'il y a quelqu'un pour loger ce monsieur. Moi, j'en suis personne. Mais il est où là? Moi, j'en suis personne. Comment voilà. Ça, maintenant que je la cherche, que je la trouve. Il faut qu'on trouve un hôtel pour tous. Un hôtel. Et toi, tu rigoles que c'est. Diane, tu veux chanter un peu? Quoi? J'ai rien dit. T'as dit, il faut un hôtel pour ce monsieur. Attends. Ah voilà, ça y est, je l'ai trouvé. Je vais vous chanter une musique, fin de compte, sur toutes les choses que je fais, fin de compte, je commence à me faire connaître gravement partout, par tous les gens connus. Et pour l'instant, je n'enregistre pas parce que je suis stressé en ce moment, c'est pour ça que je ne peux pas aller sur Internet. Et dès que je vais être déstressé à cause de mon père qui est mort, et fin de compte, je paye mes droits et je paye la CSM et je vais vous chanter la mélodie de mon oncle, elle est grave connue. Attends. Oh là là. Oh non, il va pas commencer là. Non, non. Tu. Où ça? Ouais, voilà. Donc, Ringo se prépare pour chanter. Comment il s'appelle ta chanson, Ringo? Ouais, attends, mets play. Ça marche ou pas? Excuse-moi, je. Mets plus fort. Ça va? Pourquoi dans les clips, il y a toujours des femmes sexy? Je vais en parler de ça, moi. Attends, je la laisse au début. C'est chaud dans ces clips-là. Lui, il adore ça. Chaud. Bom bom bom bom. Maman gamme ça me tout tombe. Je parle de lui, c'est pas de toi. Maintenant je t'y vois bisous tout est haut. Excuse-moi. Ringo, c'est préchauffement là, c'est bien. Chaud. Show. Show. Show. Show. Show. Moi, je vais en parler après. Ringo. Ringo. Ringo. Mais manque pas sa moto, homme. C'est l'oriente, y'avait pas chamande, pas chamande. Maintenant je t'y vas, bikiro, mais bikiro, mais bikiro, mais manque pas tout, c'est l'oriente, homme. Hati mata, c'est l'oriente, hati mata, c'est l'oriente, tu m'y as sa bédame. Ah, mais douche le, mais douche le, je fais comme Tupac, la voix de Tupac. Dans le move comme Tupac, dans le saut Tupac. J'adore la voix de Tupac. Dans le move comme tout pote. Hey. Ma chambre m'appelle pour ta bébé. Colle-toi comme un émoi, moi bébé. Fais-moi le show toute la nuit bébé. Jusqu'à 10h du mat bébé. Jette-moi tes yeux de pote bébé. Danse pour moi bébé, toute la nuit fais-moi le show bébé, bébé, bébé. Yeah. Jette-moi tes yeux de panthère, j'ai ni à ta mère ni à ton père. Viens vers moi, toute la nuit, toute la nuit, toute la nuit. Fais-moi le show, colle-toi comme un aimant. Jette-moi tes yeux de panthère, je dirai ni à ta mère ni à ton père. Fais-moi le show Mamba Glock. Danse pour moi toute la nuit, fais-moi chaud jusqu'à 10h du mat, ça fait tout chaud dans mon corps à moi quand je te bois. Yeah Mamba. Tout en OP, c'est moi Grigo, tout retour, là sous tous les pas faux, postillo du tout. Dans ma vie j'ai tout peur, c'est dur comme du peur. Alors je peux rien y faire, je reste carré avec mes affaires. Tout le monde tu te potes, j'ai d'habitude qui se capture. Respire à la France, tout bonne enfance, faut respecter la famille, les amis. Je passe avec mes potes et mes gars, je te prends ta recette là, qu'est-ce que tu vas faire là? Te poursuis. Hey. Yo. Bo bo bo bo bo bo. Wamba Glock. Que soy colombiano tanto ver cubano. Ra ra ra ra ra. Me levanto. Hola. Como Escobar yo coge lo dinero. Oro. Me gusta lo. Oro. Que cogemos dinero. Dinero. Je me lève au matin, comme un copain, des billets, chacun prend entier, prends des billets, des millions de billets, ça fait du bien quand t'as des millions de billets. Même un gars va soit coquille, me rejeter à 20, à 20, pas charmant, soit coquille, ménage-t-il, bisous, l'entête, tu viens là-bas, me rejeter à 20, boucle-mélan d'abord. Por eso, suprelo, todos días me estresalo, todos días lloralo, pa mi vida que no puedo mirarlo, mijos. De esta peta noche me sufrelo. Toda la noche, los días más mañana. No puedo, mi más. Una mi hijo, no puedo, vívalo. Todos días sufrelo. Lloralo. Corazón se rompelo todos días. Que no puedo. C'est Metanoia, la semaine prochaine. On est sur Pinot. Merci tout le monde. Au revoir. Ça va ? Est-ce que... Ouais, mais là, le micro, il marche, là ? Là, le micro, il marche, là, ou pas ? Est-ce que le micro marche? Ok. Bah, vas-y, c'est fini là, l'activité là. Je vais me barrer moi, en 2-2.